Vous êtes sur Radio France Internationale. Aujourd'hui, direction la Vallée d'Aoste. La Vallée d'Aoste, région autonome d'Italie, se trouve à l'est de la France, près de la ville de Chamonix, au sud de la Suisse et au nord de l'Italie. Dans la Vallée d'Aoste, tout le monde parle français et italien. Il y a beaucoup de choses à voir et à faire. Aller au terme de Pré-Saint-Didier. Visiter les parcs nationaux. Partir à la conquête du Grand Paradis, une montagne de 4000 mètres située dans le parc national du Grand Paradis. Bon week-end !